T'as beau écouter mes paroles attentivement, tu pourras jamais sentir toute ma douleur et ma frustration. J'ai pas trouvé de pansement dans la religion. J'ai rien d'un hypocrite, mais quand j'ouvre la bouche, ris jaune. J'ai pris une centaine de coups de fouet au mental. Pose-toi deux secondes quand on en parle. J'suis arrivé à Roissy, j'avais 10 balais. Pour avoir une amoureuse, fallait pas être balèze, mais fallait être blond. Fallait avoir les yeux bleus, ma gueule, j'te jure. Fallait vite virer ton accent de petit nègre. Ma maman restait au pays, si bien que j'avais plus cette présence féminine pour ma séminaire. Cherchais un modèle d'intégration comme un ouf. Tu te rappelles à vous, dans Hélène et les garçons, y'avait pas trop peu. Y'avait pas d'asiatique, putain, y'avait même pas un seul hindou. Pour voir un noir à la télé, fallait attendre le dimanche, puis rester scotché devant téléfoot quand tu manges. Perdu sans repère, je m'étonnais à ma voisine de classe que je venais des Antilles. J'avais l'impression qu'on les trouvait plus gentils que Boubacar et moi, vu qu'ils étaient français, plus clairs que nous. J'ai pas tardé à crier que c'était chaud dès lors que t'étais différent des enfants de Mitterrand. J'ai entendu des sales noires de merde avant d'entendre des fils de pute. J'en ai mis des coups, je me suis fait têche des courses études. J'prenais des coups de bouc de ceinture dans la tête chez Wams un coup. À chaque fois que je partais en sucette dehors, brutalement j'étais rappelé à l'ordre. A défaut d'avoir un daron riche, toi-même tu sais, j'ai volé de la sape au décathlon de Noisy-le Sec. À 15 piches à trop mat de voir tout le collège en Air Max, c'est pas toi. Ça fait trop mal, depuis trop longtemps, été, printemps, hiver. Je me tape avec des inconnus pour de la merde, sa mère. La défaite c'est rien, quand t'es pas impulsif, il suffit que tu te fasses mêler pour attraper le seum. Quand t'as vu ta famille pleurer devant des huissiers, ton opinion sur le pognon change, tu sais. Mes conseillères d'orientation et le trésor public m'ont plus enfoncé qu'ils m'ont aidé. Cœur de pierre comme personne, j'ai pleuré comme une meuf. Comme mon pote a brûlé dans un Super 5, crois pas que c'est pour la rime. Si je dis ça, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est comme une thérapie. Je l'immortalise à ma manière, je fais ma propre meute. Pour lui sur un truc, rapper, c'est ce que je fais de mieux. Je me suis fait meloter, défoncer par les keufs plus d'une fois. Pour vol et rébellion. Quand ils cognent, ils font pas semblant, ces enculés. En tout dans les jarres, j'ai dû laisser un litre de sang. T'es ma pochette. Sérieux, tu peux comprendre comment ce gamin parle avec autant de tension. Montre-la à l'OPJ qui te disent si dans les yeux de ce gosse, y'a de la haine anti-police. Moi, je dis, c'est tout leur coup. Leur insulte, leur provoque, qui m'ont écœuré à mon insu. Je prends une tarte à chaque fois que je m'avoue que c'est trop tard. Pour percer dans le foot ou le basket, ça me rend fou. Je jette un œil sur une photo de ma mère avec un gun sur la tempe. Pourquoi je m'en bats les coups de mon bac? J'ai souffert comme une tapette quand une de ces chiennes s'est esquivée. Quand je commençais à la kiffer, ma spiritualité est au point mort. Elle est ni à l'église ni à la mosquée. Comment ça se fait? J'ai mal au ventre, les gars. Je crois que j'ai chié la moitié de mon cœur, je suis devenu tout balourd. Le sens de l'entraide de mes proches me tourne le dos à tort. Tout ce qui me tue pas me rend plus fort.